sur la piste de la terreur du Texas par Buffalo Bill. Chapitre 1er. Un étranger survient. Le cabaret de frontière qui portait pour enseigne au temps difficile, le Hard Time Saloon, était le quartier général de tous ceux qui, dans ces parages des confins du Texas, avaient envie de boire ferme, de jouer un jeu d'enfer ou de se disputer et de se battre à mort. Le patron s'appelait Tom Lane. C'était un homme qui n'avait peur de rien, et en effet, il risquait sa vie jour et nuit pour faire de l'argent plus vite et devenir riche. On l'avait entendu dire « Je ne suis pas né pour cette vie-là. Je l'ai, d'un bout à l'autre, depuis les gens jusqu'aux cartes. Tous ces ignobles individus, voleurs et assassins, me dégoûtent. Mais j'ai besoin d'argent, et je prends des moyens désespérés. Je n'en ai pas d'autre à choisir, d'en gagner assez pour penser à moi plus tard. J'ai mis toute ma braise. Si je perds la partie, eh bien je n'aurai couru la chance, et d'avance j'en accepte les résultats. » Tom Lane ne supportait point les sottises, comme tous ceux qui fréquentaient le Hard Time Saloon le savaient parfaitement. C'était, tout comme un autre, il n'y a pas que les tigres et les ours gris, un tueur d'hommes, mais seulement quand il était forcé. Sa façon tranquille et résolue de faire les choses le faisait redouter des malfaiteurs. Le Hard Time Saloon était, au moment où commence cette histoire, tout éclatant de lumière, tout bruyant d'une vie affairée et tumultueuse. Situé dans une région de la frontière où les habitations des colons, qu'on appelle rancho, sont disséminées assez loin les unes des autres, c'était surtout à l'heure du coucher du soleil qu'on y affluait. Les gens qui s'y trouvaient alors en grand nombre appartenaient à des races et à des conditions bien diverses. Ranchers, bouviers ou cow-boys, mexicains, indiens, joueurs de profession, soldats et coupe-jarrets. C'était une cohue fort mêlée. On y voyait d'ailleurs des individus qui, par la naissance et l'éducation, avaient été des gentlemen. Mais, pris en masse, cela constituait un tas de brutes, prêtes à tuer et à piller au premier signal. Parmi les plus grossiers, on remarquait un homme dont les paroles faisaient loi, uniquement parce que les autres avaient peur de lui. C'était un gaillard de haute taille, splendidement taillé, avec de longs cheveux, un visage barbu et l'air d'un tigre qui montre les dents. Il était connu sous le nom de Brazos Bill et de Tigre du Brazos. S'il y avait un homme dans la salle qui n'eut pas peur de lui, celui-là du moins se tenait à l'écart, sachant bien ce qu'il s'en suivrait s'il avait l'air de le braver. Tom Lane était le seul qui eût jamais entravé Brazos Bill dans certaines de ses violences et qui vécut pour raconter l'histoire. Mais Tom Lane ne s'en vantait pas. De son côté, Brazos Bill ne s'aventurait pas trop loin avec Tom Lane. « Non pas, disait-il, parce qu'il avait peur de lui, mais parce qu'il était le seul homme dans le pays qui sut tenir un saloon proprement et dans les règles. » Ce soir-là, en entrant au Hard Times, Brazos Bill était fort maussade. Il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas, et Tom Lane dit à un étranger qui, dès son entrée dans la taverne, avait entamé une causette avec le patron. « Brazos Bill est d'une humeur massacrante ce soir, et à moins que quelqu'un ne perde la forte somme à son profit, il ajoutera une fosse ou deux à son cimetière avant le lever du jour. « Lequel est-ce, Brazos Bill ?» demanda l'étranger, qui était assis avec Tom Lane, dans la cuisine honorée du nom de bureau et où personne n'entrait sans être invité. Cuisine ou bureau, le lieu ressemblait plus à un arsenal qu'à toute autre chose, car il y avait le long des murs des carabines, des revolvers, deux fusils d'ordonnance avec la baïonnette au canon, des arcs et des flèches, plusieurs lances mexicaines, des sabres et des épées de différentes sortes, avec une hache, deux hachettes et quantité de couteaux. C'étaient les armes des hôtes du Hard Times qui avaient eu des malheurs, qui avaient fait trop de tapage, ou qui avaient essayé de se comporter à l'encontre des idées de Tom Lane. Et tout était prêt pour un service immédiat aussi bien que mortel. Acculé dans son bureau, Tom Lane pouvait tenir tête à toute une salle d'ennemis, disait-on. Il avait accueilli l'étranger cordialement et même comme un vieil ami. Il lui avait servi un souper soigné, et il lui réservait la meilleure chambre de la taverne, ce qui ne veut pas dire qu'elle fût très confortable. En attendant, il l'avait invité à s'asseoir dans le bureau pour se distraire par le spectacle de la foule grouillant dans le saloon. « Jouez-vous ? » lui demanda-t-il. « Quelquefois, mais je ne suis pas en train ce soir. » Et l'étranger reprit. « Quel est celui qui est Brazos Bill, m'avez-vous dit ? Ce garçon, de belle mine à cette table là-bas. Oh, il a une laide expression ce soir. » S'il cherche des ennuis, il les trouvera, j'imagine, dit tranquillement l'étranger. Oui, c'est toujours ce qui arrive. Quel est son vrai nom ? Personne ici ne le sait. Que fait-il? Il joue, boit ou tue, l'un ou l'autre, ça lui est égal. Ici, depuis longtemps, environ 2 ans, il a son terrain à lui, dans le cimetière où il enterre ses morts, et il n'y a plus beaucoup de place. Personnage intéressant. Oui, surtout qu'il a reçu de l'éducation et qu'il a été élevé en gentleman, tout brutal et grossier qu'il soit maintenant. Oui, ce sont ceux-là qui font les plus terribles brutes, lorsqu'ils se sont une fois déclarés comme vauriens. Oh, il va dire quelque chose. Un défi au jeu pour la forte somme, j'imagine. Brazos Bill s'est élevé et raclait rudement la table avec la crosse de son fusil pour obtenir de l'attention. Des chutes partirent de tous les points de la salle et le silence se fit. Les gars, j'ai à dire que je veux jouer gros jeu. Il y a 1 000 $ pour le premier capon qui ose les tenir. Et il jeta l'argent sur la table. Un silence de mort suivit ce geste. Personne ne semblait disposé à répondre. Tout le monde savait que celui qui jouait avec Brazos Bill pouvait faire d'avance le sacrifice de son argent ou de sa vie. À la stupéfaction de Tom Lane, l'étranger se leva, alla tranquillement à la table devant laquelle Brazos Bill était debout, et tous les yeux fixés sur lui, dit d'une voix qui pénétra les points les plus reculés de ce vaste saloon. « On vous appelle Brazos Bill, je crois. » « En effet. Mais vous, qui diable êtes-vous ? » rugit le desperado. « On m'appelle Buffalo Bill, et j'accepte votre défi, mais pas avec l'enjeu que vous indiquez. » Tout le monde vit que le desperado avait sursauté au nom de Buffalo Bill, mais il cria. « Quel est donc l'enjeu que vous ne craindrez pas de mettre sur une partie ?»« J'accepte le défi, vous dis-je, et je joue 3 coups avec, pour enjeu, votre vie et la mienne. Et vous êtes un lâche si vous refusez. » repartit froidement Buffalo Bill.